Je ne suis pas là. Je reste au lit. Je ne veux pas m'esquinter. La santé pour un patron surpayé. Sophie Germain, s'il te plaît, arrête de m'appeler. S'il te plaît, je veux écouter la nature, les rivières, rester couché, pas travailler, ni consommer. Sophie Germain, s'il te plaît, arrête de m'appeler. S'il te plaît.